الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Juste, شوف, si tu vois que ça devient bleu là. Là, là, le bouton vert, si tu vois qu'il devient bleu, dis-le-moi, c'est-à-dire que ça a coupé. Voilà, comment on fait. طيب donc اولا نعتذر لتاجيل هذا الدرس الى يومنا هذا لكن بمناسبه دعوه احد اخواننا هنا في بيته ففكرت على انني القي هذا الدرس الان مع اخواني الموجودين باذن الله تعالى donc je m'excuse le درس normalement était prévu pour hier soir comme le vendredi mais vu que en une occasion d'une invitation chez nos frères à Fordil et que d'autres frères sont venus, donc j'ai dit, ben, pour l'occasion, ce DR se fera leur compagnie. Ce qui est, Inch'Allah, profitable pour plus de monde. Et ce sera également une occasion de se faire un rappel mutuel. Biznillah Ta'ala. Dans le dernier DRS, on avait pris un hadith que je pensais être le dernier du chapitre, et quelque chose qui n'est pas le cas, qui était Fadl al-Masajid al-Thalatha, le mérite des trois masajid. Ceux pour lesquels il est permis d'entreprendre un voyage, qui sont Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Nabawi, Al-Masjid al-Aqsa. Ces trois-là seulement pour lesquels il est permis de faire un voyage en but de viser un lieu particulier en guise de ta'abbud ilallah subhanahu wa ta'ala. Taïb, Al-An, on va finir par le dernier hadith en fait qui est le 160e et le 20e du Fasl qui est Fadl al-Amr bil ma'aluf wa nahi anil munkar. Qui est le mérite de l'ordonnance du convenable et de l'interdiction du blabab. Sachez, comme je le rappelle souvent, les frères, que cette mas'alala, al-amr bil ma'aluf wa nahy 'anil munkar, huwa ashaq ma yakun 'ala an-nas, wa huwa aslu al-jihad. C'est la base du jihad, c'est ça. C'est ordonner ce qui est bon et interdire ce qui est mauvais. Et chacun à son niveau. Mais la base de la religion, certains ulama, ils ont dit que s'il y avait un sixième pilier dans la religion, ce serait celui-ci. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كالتوحيد سي امر بعباده الله وحده سي لو فيت دوردوني دادوري الله سول وي الشرك سي لانترديير انترديير لو شرك داكور اي انترديير تو سكو سولا امبليك دونك الدعوه الى التوحيد هذا من الامر بالمعروف والنهي عن الشرك هذا من النهي عن المنكر لو فيت دابلي او توحيد سي ابلو كونفنابل اي كومباتر لو شرك c'est-à-dire le blâmable, qui est la base de tous les maux. Elle rentre dedans également la bid'a, les ma'asi, toutes ses formes, et ce qui s'ensuit. وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَنْبِيَا مَا قُوتِلُوا إِلَّا لِأَجْلِي هَذِي دَعْوَى que les prophètes n'ont pas été combattus et rejetés par leur peuple, si ce n'est pour cette da'wa-là, principalement. C'est le tawhid, et كذلك الْأَمْرُ بِالْمَعْلُوفَ النَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ lorsqu'ils appelaient leur peuple à cesser leur transgression, à cesser leur péché. Voilà pourquoi des prophètes ont été tués par leur peuple. Et sachez que c'est une chose également qui fasse que beaucoup de prédicateurs ne sont pas acceptés auprès des gens, du fait qu'ils appellent à cette chose-là qu'ils amr bil ma'aluf wa nahy 'anil munkar. Cela dérange beaucoup de gens, énormément de gens. Cependant, c'est un fard fi yadil umma, une obligation pour cette communauté, et c'est un fard qui faillit si certains s'en occupent. D'autres n'ont pas à le faire, malheureusement. Déjà, ceux qui s'en occupent ne le font pas comme il le faut, car c'est une charge qui est très lourde, et en plus ils sont très peu nombreux. Donc en réalité, cette qa'ida ne sera pas une excuse pour nous. Et sachez que l'un des principales causes de péché qu'on peut endosser dans des pays comme ici, c'est cette chose-là. Cette chose-là. Le mal que l'on voit devant nous, sur lequel on se tait. On prend beaucoup de péchés, malheureusement. C'est une réalité. Enfin, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يَيُوَ النَّاسِ تُبُوا إِلَى اللَّهِ فَيْنِيَ تُبُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُهُ كُلْ يَوْمْ أَكْثَرْ مِسَبْنِ مَرَّةِ أَوْ مِيَتْ مَرَّةِ. Il a dit, oh vous les gens, reportez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car moi je le fais chaque jour une centaine de fois ou plus de 70 fois. Ça c'est parmi des fois les péchés que l'on commet malgré nous. Se taire sur un monde calme que l'on voit, qu'on est en mesure de blâmer, mais que par cause de notre faible foi, on ne le fait pas. Et on endosse des péchés. Et cela peut aller plus loin, comme va le stipuler ce hadith qu'on va prendre aujourd'hui, Inch'Allah. يقول عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خلقنا في نصيبنا خلقا لم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما ردوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا نجوا جميعا رواه البخاري. Je précise avant de commencer, les voix des enfants, c'est les enfants des frères, donc c'est normal. C'est, les voix d'enfants, c'est une chose qui est inévitable. Donc, selon An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'exemple de celui qui applique les hudoud d'Allah, ça veut dire qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, qui fait appliquer la religion autant que possible. Et celui qui transgresse ses hudoud, ses limites, alors celui qui applique ses limites et celui qui les transgresse, c'est un exemple d'un peuple qui embarque sur un bateau. Certains ont eu, ou plutôt qui ont tiré au sort pour avoir leur place sur un bateau. Certains ont eu la partie, le pont supérieur, et d'autres ont eu le pont inférieur. D'accord ? Des gens ont été en haut, d'autres sont dans la cale. Et ceux qui sont dans la cale, lorsqu'ils veulent boire, sont obligés de demander à ceux qui sont en haut de leur apporter de l'eau. Donc ils ont dit, ceux qui sont en bas dans la cale, si nous faisions un trou dans la cale, dans notre partie à nous, comme c'est un bateau, il y a quoi en dessous ? De l'eau. Donc on n'a pas besoin de demander aux ceux qui sont en haut de les déranger pour avoir à boire. Donc si on fait un trou ici, on aura le trou à nous directement sans déranger personne. Cependant, si ceux qui étaient en haut laissaient faire ceux qui sont en bas, qu'est-ce qui se passerait ? Ils vont tous se noyer parce que le bateau il va couler. Donc, pour que ceux d'en haut puissent survivre, ils doivent empêcher ceux d'en bas d'agir. Et à ce moment-là, ils vont tous survivre. Donc c'est un hadith, l'exemple il est magnifique, il est incroyable. Et il est wadih, il est clair. Que celui qui empêche les autres de faire du mal, en réalité secourt tout le monde. N'en déplaise à ceux qui font du mal. Awalan al-Rawi, c'est An-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Tha'raba al-Amsar. Donc le rapporteur du hadith, c'est le sahabi qui est An-Nu'man ibn Bashir. Wa kada. Al-Emir, al-Alim, c'était également un savant. Un compagnon du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et son père également était un sahabi. Son père, Bashir, était un sahabi. Tayyib. Et An-Nu'man, il est né à l'an 2 de la Hijra. Ça veut dire qu'il était jeune. D'ailleurs, il a été dit, l'auteur a dit qu'il est le premier enfant à être né après la venue du Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Al-Medina. C'est le premier sahabi qui est né, là-bas. Parmi les Ansar, hein, Fouad. Précise, parmi l'Ansar, min El Medina. Sûrement c'est chez les Muhajiroun, il y a eu des enfants qui sont venus entre temps, mais lui c'est le premier Ansari qui est né après la venue du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, plus tard, il a été mis comme juge à Damasque, à Damas. Et Muawiyah l'a mis comme gouverneur à Koufa. Il a rapporté environ 114 hadiths. Il y a un khilaf, l'auteur cite un khilaf, certains disent plus, certains disent moins, mais aux alentours d'une centaine de ahadiths. Donc c'est un muqil. C'est muqil, c'est ceux qui n'ont pas rapporté beaucoup de ahadiths. Et il est mort en l'an 64 ou 65 de la Hijra. Ça veut dire qu'il avait à peu près une soixantaine d'années. Radiallahu anhu. Donc, pour revenir au hadith, comme il a dit, مثل القائم على حدود الله أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Comme on l'a dit, celui qui vient pour appliquer les sentences d'Allah, c'est-à-dire qui vient pour appliquer les limites, c'est celui qui amène, qui prend le rôle de qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. وَالَوَاقِعَ فِيهَا مُرْتَكِبُهَا الْفَعِلْ لِلْمَنَاهِ. Et l'autre, c'est celui qui, malheureusement, transgresse ses limites. Donc, il a dit, c'est l'exemple de gens qui ont fait un tirage au sort pour pouvoir embarquer sur un bateau, pour savoir quelle place leur sera accordée. Certains ont eu le pont supérieur, d'autres ont eu la cale. Et comme vous avez compris, ceux qui ont eu la cale pour boire doivent demander à ceux qui sont sur le pont supérieur. Donc ça amène sûrement à un dérangement. Et des fois, tu es gêné de demander quelque chose à quelqu'un, une chose qui t'est indispensable. Il faut toujours que tu demandes à quelqu'un, passe-moi de l'eau, passe-moi ci. Donc au bout d'un moment, ils se sont dit, voilà, on va trouver une solution pour ne plus avoir à déranger ceux d'en haut. Malheureusement, leur idée était très mauvaise. Et elle aurait coûté la vie à tout le bateau. Donc voilà pourquoi ceux d'en haut ne doivent pas laisser faire ceux d'en bas. Donc là, on y voit, comme a dit Allah Ta'ala, « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا » Craignez une fitna qui n'atteindra pas ceux qui ont été injustes seulement. Car des fois, on va voir parmi nous des frères, alhamdoulilah, qui ont une istiqama, et ils disent « nafsi, nafsi, nafsi ». Je m'occupe de moi. Ça, c'est vrai. Tu t'occupes de toi, ta famille. Mais, est-ce que cela est suffisant? Cela dépend de ton environnement. Car sache que si jamais le mal se répand et que tu es en son sein, tu en seras atteint également. D'accord? Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, azun hadith Salama, qala, waylun lil arab min shar qad iqtaraba. Malheur aux arabes d'un mal qui va se rapprocher. Puis il a fait un signe avec ses doigts comme ça, en disant qu'une brèche de cette taille-là, dans le rempart de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, s'est ouvert. C'est-à-dire, ça commence. Et je crois que c'est Salama qui dit Ta'tinal fitna wa fina salihun. Est-ce que le mal va nous atteindre en notre sein? Il y a des gens droits. Elle a dit Naam, izakathura al-khabath. Oui, si le mal se répand, tout le monde peut en être atteint. D'accord? Donc, que dire dans un environnement comme celui de la France, où déjà les muslimouns sont une minorité, et qui plus est, les mustaqimouns parmi eux sont akal. Encore moins nombreux, dans un milieu purement malsain, vraiment malsain. Donc, ce qui touche des pays comme ce genre de pays, va toucher les musulmans qui s'y trouvent. D'accord. Hormis ceux qui agissent dans la mesure du possible. Car bien sûr, stopper le mal qui s'y trouve, cela n'est pas possible. Mais tu peux minimiser les dégâts, ne serait-ce qu'un périmètre de sécurité autour de toi, ta famille et tes proches, et ce qui est à ton niveau. D'accord ? Comme encore le Ta'ala, « فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَغَزْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ أَفْوَانَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ » Et lorsque les gens ont oublié ce qui leur a été rappelé, nous avons sauvé ceux qui empêchaient de faire le mal, et nous avons saisi les autres d'un châtiment douloureux. Ça veut dire que les personnes qui, de base, s'efforcent à ordonner le convenable, à interdire le blâmable, leur issue à ce mal qui se répand, c'est ça. Un, en sortir. Première cause pour ne pas être atteint par le mal de mujtama, de ton environnement, ben c'est en sortir. Première cause, d'accord? Donc la hijra, par exemple, et ce qui s'ensuit. Et deuxième, si jamais tu y es, alors, appliquer ta religion du mieux possible et interdire ce blâmable et ordonner le convenable dans la mesure du possible sans commettre un mal plus grand. Et ceux qui agissent de la sorte concrètement, en réalité, quand le mal va venir, il se peut que Allah Azza wa Jal les préserve pour ce qu'ils ont fait. Donc, en réalité, quand tu fais nasiha aux gens, c'est pour toi. In arsantum, arsantum l'infusikum. Ou in asantum falaha. Lorsque vous faites du bien, vous le faites pour vous-même. Et quand vous faites du mal, ça se retourne contre vous-même également. Donc en réalité, des fois, quand tu vois des gens faire du mal, et que tu leur interdis ce mal, on le répète souvent, les gens vont te dire, ça ne te regarde pas. Tu dis, si ça me regarde. Parce que maintenant, je t'ai vu faire ce mal. devant moi. Si je te laisse faire, tu vas m'attirer avec toi. Non pas que tu vas faire ce mal avec lui, mais ce qui va l'atteindre pour le mal qu'il a commis peut t'atteindre toi aussi, comme ces gens qui ont voulu faire un trou dans le bateau. Donc, en réalité, ça nous concerne. Ça nous regarde. D'accord ? Dans la religion, c'est pas l'autruche. La tête dans le trou, j'ai rien vu. Si t'as vu, t'as entendu. Maintenant, il faut agir en conséquence. Et c'est une épreuve pour le musulman. Car c'est très difficile d'aller dire aux gens de cesser de faire ce qu'ils font. C'est très dur. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir les épaules d'endurer ce qui va se passer par la suite. C'était la fonction des prophètes. D'accord ? C'était la fonction des prophètes. Et d'ailleurs, le djihad shari'i qui existe, c'est ça. C'est pour que kelimatullah takun al-ulya. C'est pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et quand même des gens, lorsque les djihads avaient lieu chez les anciens, ils n'imposaient pas aux kuffars de se soumettre. Mais une fois que les musulmans étaient dominants, ils disaient, tu ne veux pas rentrer en islam, tu payes la jizya, mais c'est l'islam qui va contrôler, qui va dominer. D'ailleurs, toi, dans ton coin, discret. D'accord ? Toi, dans ton coin, discret. Donc ça amène à minimiser le mal. Et là, la subtilité, c'est qu'on a affaire à des gens, concrètement, ces gens du bateau, en dessous, qui ont voulu faire un bien, en fait. Leur but, c'est pas de faire du mal. Ils voulaient juste boire de l'eau et ne pas déranger les autres. Vous voyez ? Alors que dire de quelqu'un qui fait du mal sciemment ? Il dit qu'il va faire du char. Ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est haram zahiran. C'est un haram qui est clair. Là, c'est des gens, à la base, leur but, il est bon. Ils veulent juste boire le hajj et ne pas déranger les autres. Cependant, avec le jahel qui n'ont pas réfléchi aux conséquences de leur acte, cela va amener à un mal qui va toucher tout le monde. C'est l'exemple parfait qu'il y a au sein de la Ummah en cette époque. Que beaucoup de gens veulent faire du bien en fait dans ce qu'ils font. T'as les gens qui font des graves erreurs, mais leur but c'est chercher un bien en fait. D'accord ? Mais malheureusement, leur façon de faire le bien, elle sera un mal. Car les conséquences en réalité sont néfastes. Et ces conséquences, ce n'est pas tout le monde qui peut les voir. C'est les gens qui ont une basira, qui ont du ilm qui vont le voir. Ils vont dire, toi tu ne vois pas loin, moi je vois loin, ce que tu fais là, tu penses que c'est un bien. Demain ça va tomber sur un grand mal. Un très grand mal, tu t'en rends pas compte. Mathalen, vous voyez souvent les masaïls qu'on citait il y a quelques temps, mas'ala, intikhabat, élection. Ils appellent les musulmans, ils vont te dire, je sais que c'est haram de voter. La démocratie, j'y crois pas. Mais on est en France et c'est un moyen qu'on a de pouvoir minimiser un mal, donc on va aller voter pour ça. On dit non. Déjà, tu vas rien minimiser du tout. Et en plus, tu vas contribuer à un mal plus grand. Parce que tu fais revivre ce ta'arout et ce hukm que Allah Azzawajal n'a pas fait descendre et qui s'oppose à ta religion. Et en plus, tu ne vas rien y gagner. Tu pourras aller voter 10 000 fois, tu ne vas rien changer à ce qui va se passer. Car la mas'ala, ce n'est pas une mas'ala de démocratie ou d'autre. C'est une mas'ala de insan, de char, de mal. D'accord ? C'est l'être humain, il est mauvais. C'est pas en votant que tu vas enlever le mal des gens. La chose qui va emmener le mal des gens, de base, ça va être l'istikama, la religion. Ça va être le tawhid. D'accord ? Ça va être le tawhid. Tu pourras mettre un président, un nouveau président, tu ne changeras pas le mal qu'il y a des gens autour de toi. Il ne va rien changer. Il rentre dans le cœur des gens, le président ? Le nouveau parlement, il rentre dans le cœur des gens ? Non, ils vont faire des lois, mais si la nature de la personne, elle est mauvaise, tu ne vas rien changer à la chose. D'accord ? Donc, en réalité, les solutions à beaucoup de problèmes, de base à tous les problèmes, c'est qu'il n'y a pas l'iman, il n'y a pas le tawhid dans le cœur des gens. Et le tawhid, tu ne vas pas le faire rentrer par les urnes. Tu vas le faire rentrer par le ilm, par la da'wah. D'accord ? Par la da'wah. Et donc, beaucoup de gens, ils font des choses, ils veulent entreprendre des choses pour le bien de la umma, justement pour que la da'wah se propage. Mais malheureusement, ils vont prendre des procédés qui ne sont pas légiférés. Ils vont dire, moi je vais faire le bien, je veux que les gens entendent parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je veux que les gens entendent le Coran, ce genre de choses. Donc ils vont faire des choses, d'accord ? On va dire, ce que tu fais là, toi tu vois un bien, mais à la longue, il y a un grand mal qui va en découler. Tu ne le vois pas. Donc, tu as des gens de ilm qui voient ça, qui veulent mettre court à cette façon de faire, et contrecarrer, déjà en nasiha, la personne ne fait pas ça, en l'expliquant gentiment. Si la personne s'entête, alors à ce moment-là, ça vient avec des réfutations, ça vient avec ce qui s'ensuit. Vous savez, il y a plein de gens que vous allez voir, ils ont tous commencé, plein de mouvements qui existent aujourd'hui dans le monde, ils ont commencé par une bonne IA. Par exemple, j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'écoutais un truc qui concerne, comment s'appelle ce mouvement ? Un truc sur les gros là. Body positive, voilà. Ça s'appelle body positive. C'est que les gens s'acceptent comme ils sont physiquement. Entre autres, les gens qui sont obèses. Genre, sois bien dans ton corps et ce qui s'ensuit. D'accord. Ce mouvement-là, vous savez comment est-ce qu'il a commencé, ce mouvement ? À la base, c'était un mouvement, quand tu lis l'historique, justement d'être en bonne santé. D'avoir un corps sain. D'accord ? Après, avec le temps, ça évolue. C'est ancien, apparemment. C'est ancien. Après, ça a évolué, ça a commencé à changer. C'est-à-dire qu'au début, c'était parti sur une bonne intention. Mais à la base, on ne crée pas de mouvement pour ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de ça, tu vois. Les gens, ils s'unissent pour des choses, ils font des mouvements pour une chose qui... Là, il n'y en a pas besoin. Shahid, c'est que de fil en aiguille, ce mouvement a pris une autre ampleur, une autre direction, qui fait que maintenant, les personnes obèses doivent s'accepter telles qu'elles sont. Ne sois pas complexé parce que tu es. D'accord ? Et là, c'est que tu vas avoir des gens avec un corps, voilà, qui n'attire pas, il faut dire la vérité, de la masse des gens, faire des choses comme des gens qui seront eux plus attirants. D'accord ? J'ai pas besoin de faire de torsier, vous avez compris ce que je veux dire. Et ces gens-là sont arrivés à un stade où que ça veut dire, quand t'es obèse, sois obèse, reste obèse, accepte ton obésité. Si tu cherches à maigrir, c'est que t'es grossophobe. Donc t'es un ennemi. Vous voyez comment c'est parti d'un sectarisme. Maintenant, si jamais t'es gros, d'accord, reste-le, sans en fier. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient fiers d'avoir un corps obèse, de base. Je pense pas. T'en as, ils se mentent à eux-mêmes, ils disent « Ouais, je suis bien comme je suis. » C'est bien. Mais tu sais que t'aimerais bien être aussi auprès des gens. Et puis sans compter que même l'obésité, c'est pas bon. Ça te gâche la vie. De beaucoup de choses. El Mouhim, ils en sont arrivés à un côté, ils se sont sectarisés. Le groupe des obèses entre nous. Et si jamais t'es un entre nous, tu cherches à maigrir, c'est que t'es un ennemi. D'accord ? C'était plus avec nous. Ils appellent ça grossophobe. Maintenant, il y a des phobes partout. Hein. T'as des phobies dans tous les jeux. Même un grossophobe, tu vois. On dit à la base, manger sainement, vivre sainement, n'amène pas à être obèse. Si on est devenu obèse, souvent, c'est qu'il y a eu un écart. T'en as, c'est une maladie, c'est génétique, ils sont comme ça. Mais de façon générale, les gens qui sont obèses, d'accord, ça a été causé par un excès ou un manque dans quelque chose. D'accord ? Donc, on va te dire, il faut que tu remédies si ça te fait du mal dans ta vie. Tu fais moins d'exercice, t'es, je sais pas, moi, t'es souvent malade, c'est qu'il y a un problème, faut que tu remédies. Ne dis pas, je suis fait être comme ça et tu restes comme ça. Et bien, ces gens-là, ce mouvement-là, body positive, ils en sont arrivés à combattre les gens qui veulent inciter à maigrir. Et quand quelqu'un est parmi eux, c'était un gros qui les représentait, le jour où il se prend en main et qu'il dit, bon, là, ça va pas, il cherche à maigrir, t'es un traître, tu nous lâches. D'accord ? T'es un traître, tu nous lâches. Donc là, le chahid où je voulais en venir, c'était un peu de façon caricaturisée, c'est que les gens, ils commencent à la base sur une chose qui est bonne. Ils ne voient pas derrière. C'est pour ça que les ulama, souvent, il y a des choses que les gens vont faire, s'organiser pour faire un khayr. On dit, ce que vous faites là comme organisation entre vous, vous voyez un bien aujourd'hui, dans 10-15 ans, c'est une hisbiya. Vous n'en rendez même pas compte. Par exemple, comme le cas des associations qui se font, de khayr, de bienfaisance. Bon, je sais que, par exemple, en France, c'est obligatoire pour une mosquée. Ça peut être un cas à part. Mais les gens qui disent, on fait le jamaïa pour aider les orphelins en Afrique, pour aider ceci, cela, cela, cela, on dit, tu fais ça aujourd'hui, demain, vous êtes entre vous, celui qui est avec nous, il est avec nous, celui contre nous, c'est un ennemi. Ça va finir comme ça. Et c'est ce qui se passe en général. C'est ce qu'ils disent, ne le faites pas. Vous faites un bien général, sans vous enfermer entre vous comme ça. Mais eux ne voient pas loin. Et regardez aujourd'hui, la plupart des jamaïat, associations de bienfaisance, qui n'ont pas été imposés par l'État en soi, comme pour les mosquées, regardez c'est quoi la hal, qui ils sont. Regardez qui ils sont et vous aurez la réponse directement. D'accord. Et t'en as, ils vont dire, on n'est pas comme ça aujourd'hui, mais dans 5, 6, 7, 8, 10 ans, on verra ce sera où. Donc avant que ça arrive, comme on dit, que la prévention est meilleure que la guérison. C'est pour ça que souvent les gens sont amenés à faire des nasihat sur des choses, en disant aux gens ne faites pas ça. Et les gens te prennent comme un ennemi parce que tu les empêches de faire ce qu'ils veulent. On dit, si je te dis cela, c'est parce que ça va faire un mal. Et ce mal va tous nous toucher par la suite. Donc je me dois de te dire, ne fais pas cela. Quand on dit aux gens de ne pas faire ça, on n'a pas d'intérêt derrière. Tant que tu ne fais pas ça chez moi, sous mon toit ou quoi, voilà. Si je te le dis, c'est qu'il y a un sabeb. Sans quoi, tout le monde est même dans son coin, je vois pas, l'autre il a fait ça, j'ai pas vu. J'ai rien entendu, j'ai rien vu. D'accord. Mais, si tout le monde se tait, qu'est-ce qui se passe? Ben, le mal, il se répand. Donc, il faut assumer. Et il faut oublier ce côté qu'on nous apprenait avant, à l'ancienne, t'es une balance. Non, il faut dire les choses, clairement. Les sahaba, ils ont agi comme ça. Lorsqu'il y avait un homme qui avait dit, lorsqu'il y a eu un taksim lors de la... après une guerre d'un butin, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné des butins de différents de différentes valeurs à différentes personnes. Un tel il a eu 100 chameaux, un tel a eu tant de chameaux, un tel il a eu ça. Il y en a un, il a dit, oh Allah, il a dit qismatun ma ulida fiha ba ulida biha wajhullah. C'est un partage par lequel il n'y a pas eu de justice et que ce n'est pas le visage d'Allah qui était voulu. Et un sahabi il a dit, oh Allah, il a rubiranna rasulallah amma kulta. Je lui ai dit, oh, messager, ce que tu as dit. Il est parti le dire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça. Ça l'a mis en colère. Il a dit Waman yardil izalam yardilillah. Yardil rasoulou. Rasoulullah afwan. Qui donc va être juste si ce n'est pas le messager d'Allah qui va être juste. Et il a dit Rahimallahu Moussa ouziya aksam zalika fasabar. Il a dit qu'Allah fasse miséricorde à Moussa, qu'elle a été offensée par son peuple. Plus que ça, il a patienté. C'est dans le sens que cet homme a dit patiente. Mais il a été diffamé pourquoi? Pour une chose qu'il a faite. D'accord? Et lui, c'est pourquoi il a donné un temps à telle personne. Il sait pourquoi. Il y a des cœurs à gagner, il y a des choses à faire. C'est pas un partage avec intérêt. C'est une maslaha derrière Shalaya. L'autre, comme il est intéressé par sa part de butin à lui, il a vu qu'un le plus que l'autre, l'autre plus qu'il a commencé à être jaloux, il a dit voilà. Il a dit ce qu'il a dit. Attention, les gens qui ont agi comme ça, c'est pas des gens qu'on qualifie de sahaba. Cet homme-là qui a réagi, c'est comme Zuhwai Sera qui a dit Yadil ya Mohammed. Ces gens-là ont été joués comme des munafiqoun. C'était le début des Khawarij. Mais à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de Moutadir. Celui qui était Moutadir, c'était Mounafiq directement. Le Shahid, c'est que les Sahaba, quand il y avait un mal qu'ils entendaient, ils allaient le dire. Donc aujourd'hui, tu vois un mal, et que ce mal ne peut être annihilé qu'en allant le dénoncer à une personne qui est apte à pouvoir l'arrêter, dénonce. Si quelqu'un fait un crime et qu'il y a des autorités en place, d'accord ? C'est un appel. Avoir les autorités. Il n'y a pas de problème. Cette histoire, comme disait l'ancienne, où était une balance, c'est que c'était pas ça en islam. Des fois, tu étais obligé, il faut que tu ailles le dire. Si jamais tu ne le dis pas, tu aurais été complice dans le mal qui s'est fait. D'accord ? D'ailleurs, même il y a une loi, même chez les koufars. Hein. Comment ça s'appelle déjà ? Quand tu témoignes pas alors que tu sais quelque chose. Déjà, il y a la loi non-assistance à personne en danger. Madame, demain, tu vois quelqu'un dans un coin, là, il se fait taper par des gens. La complicité, la marque. Ouais, mais c'est un nom particulier, ouais, quand tu dis rien. Mais un exemple, quelqu'un se fait agresser dans la rue. Tu le vois. Tu dis, ah, si je rentre, je vais faire tabasser moi aussi. Tu vois. Et aussi, je parle, ils vont venir me chercher, là. Je dis, hop, je vois, je m'en vais. Si jamais, un jour, il y a un procès, quelque chose, on sait que tu étais là, que tu n'as rien fait, tu seras coupable. Car tu n'as pas aidé cette personne qui était en danger. De toute façon, je te dis pas de rentrer dans les embrouilles des jeunes, hein. C'est pas ça que je te dis. Mais je te dis que c'est une loi qui existe, car de base, ça ne se fait pas. Quelqu'un il est dans le besoin, dans la détresse, tu peux l'aider, tu dois l'aider. D'accord ? Et il y a, j'ai oublié, c'est quoi cette... assistance à personne en danger. Ouais. Non, c'est ça que je viens de dire là. Mais l'autre truc, quand tu vois, il y a eu un mal qui s'est fait, tu l'as vu, mais t'as rien dit. Et après, on apprend que t'étais là, que t'as vu, t'as rien dit. Y a une loi comme ça qui existe aussi. Y a pas. Y a un truc comme ça. Mais c'est pas ça ce que tu viens de dire, ça suffit, c'est pas ça. Non, ça c'est plus soulevé à la complicité. D'accord. Comme il a dit, le frère. Un truc de délation, je crois. J'ai oublié un truc normalement quand t'as pas con. Y a un truc. Quand t'as pas dénoncé alors que tu pouvais le savoir ou quoi, t'es. Y a un délit, ouais, je crois, par rapport à ça. J'ai oublié c'était quoi. Pour te dire que même chez les koufars, c'est évident. Tu vois. C'est évident. Mais nous, à l'ancienne, on nous a appris que c'était mauvais de balancer. Alors que non. Alors que non. Si on a des autorités, un gouverneur, c'est pas pour rien. C'est leur travail. Sinon, c'est le Far West. Chacun fait la justice à lui-même. Et tu laisses les criminels, bah, en te taisant sur leur mal, en les laissant faire, bah, tu contribues à leur expansion. Et l'islam n'appelle pas à ça. L'islam, c'est une religion qui amène à la sécurité des gens. D'accord. Donc le charit de cela, c'est que pour te dire que des gens vont vouloir faire un bien, même avec une bonne niya, mais en réalité leur acte aura des conséquences néfastes sur tout le monde. Donc il ne faut pas laisser faire. Et la dîne Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ra minkum munkara, falyuri biyadi, falyamastatir fa bilisani, walyamastatir fa bikalbi, wa zalika adrafu al-iman. Celui parmi vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur, et cela le niveau le plus bas de la foi. Donc tu dois agir de base. Mais, un short muhim qu'on appelle souvent, la yunkar al-munkar bima wa ankar minhu. Tu ne fais pas, tu ne réprimandes pas un mal en faisant plus grand mal derrière. Il ne faut pas qu'il y ait des conséquences plus graves derrière. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait des conséquences plus graves derrière. Donc, après, c'est le monde de la hikma, c'est sûr, la sagesse, du sang-froid, savoir comment réagir vite dans certaines situations, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le fait que des gens veuillent du bien n'excuse pas qu'ils vont amener à un mal qu'il faut stopper. La niya ne suffit pas. Il avait dit Ibn Mas'ud à ces gens du Masjid Bani Hanifa qui faisaient le tasbih avec des cailloux. Ils faisaient quoi pourtant ? Une ibada ? On rappelle Allah, oui, mais comme vous le faites, ce n'est pas légiféré. Il a dit Ibn Mas'ud, maradna ila khayr, on a voulu faire que du bien par cela. Il a dit Kam min murid ila khayr, lam yusibhu. Combien de gens veulent le bien, ne l'atteignent pas. Et comme vous le faites là, vous allez être en train de commencer à faire une bid'a. Et ces gens-là, en refusant la nasiha, eh ben, ils ont parti d'une bid'a petite pour en arriver à une majeure, ils sont venus dans les khawarij, à combattre les sahaba par la suite. Donc des fois, ne pas prendre une nasiha au moment où elle vient, peut avoir des répercussions néfastes par la suite pour la personne. Effet boule de neige. C'est une petite boule, ça finit, c'est énorme. Donc il faut comprendre, lorsque les gens font une nasiha, ou des fois sont durs sur un sujet ou sur une chose, et qu'ils ont le ilm pour cela, d'accepter de comprendre. D'accord ? D'accepter de comprendre et ne pas croire que la personne, elle a l'intérêt à t'empêcher de faire ça. Si elle t'en empêche et qu'elle te dit de ne pas le faire, c'est qu'il y a un bien derrière peut-être que toi tu ne vois pas, mais qui est peut-être présent. طيب يقول فوائد الحديث الطائفة المنصو لا عفوا تومبي دو لا سي لانسيان باج ايوه استحقاق العقوبة بالترك النهي عن المنكر مع القدرة que on mérite de subir des conséquences lorsqu'on délaisse l'interdiction du blâmable et qu'on est capable de l'interdire. Ça c'est un truc qui est important, que tu es capable de l'interdire. Tu le laisses faire, et ben la personne qui fait le mal encourt quelque chose, et toi tu peux également être concerné par ce châtiment qui va le toucher. Peut-être tu. Khamisan, annu yajib ala al-jar an yasbir ala shay min adha jari. Et que le voisin doit patienter sur certains maux que pourrait causer son voisin. Par exemple, dans ce bateau-là, ceux qui sont en haut doivent patienter de la demande d'eau de ceux qui sont en bas. Car ils n'ont pas le choix. Il n'y a que toi qui peux les abreuver, sans quoi ils vont faire un trou dans le bateau, vous allez tous couler. Donc donneur de l'eau. Patiente. Et même, encore mieux, fais en sorte qu'il n'ait pas à demander. Car souvent, tu as des gens, ils retardent, ça veut dire, ils mettent les gens dans l'embarras. Tu as des gens, ils ont un besoin. Ce besoin, toi, tu es le moins de combler. Un besoin quelconque, hein, je parle. Hein. D'accord ? Et la personne, tu sais qu'elle est dans ce besoin-là. Et toi, tu peux combler ce besoin-là. N'attends pas qu'elle te demande, qu'elle soit gênée. Agis. Agis. Un exemple, je vais donner tout bête. Imagine. Un frère, tu vois, je sais pas, moi, dans la rue, il marche. Il fait froid. Toi, t'es en voiture, tu passes. Il est sur ta direction. Attends pas qu'il dise, Harry, je peux monter avec toi. Je trouve, il est gêné, il veut pas te demander. Mais il fait froid, il marche. Tu t'arrêtes, tu dis, Harry, toi, t'es le marade. Je t'emmène. Par exemple, tu sais qu'il va au Mosdid ou il va à un endroit où tu vas toi aussi. Attends pas qu'il te demande. Tu vois. Tu peux l'aider, ouvre ta porte et aide-le. Prends-le avec toi. T'as des situations, des fois, t'as des gens, t'as un besoin, quelqu'un a conscience de ce besoin, il peut t'aider, mais dis-moi pas demander. Mais peut-être les gêner de demander. Toi, anticipe, fais la chose. Facilite-le. Donc là, deux fois, ton voisin, il a une haja qui peut être dérangeante, mais si tu laisses dans ce besoin aura des conséquences qui vont tenir à toi aussi. Donc patiente. Alors, je sais pas, ton voisin, il y a une fuite d'eau ou je sais pas quoi, et il tape. Ça te dérange. Il tape. Tu dis, arrête de taper. Si je tape pas, l'eau, elle va couler même chez toi. Donc, vaut mieux taper un petit peu aujourd'hui, que tu sois au sec, que je laisse, et dans quelques temps, c'est tous les meubles qu'il faut refaire parce que voilà. Patiente sur les coups de marteau, même si c'est à minuit, il n'y a pas le choix, demain il travaille, l'extérieur là de libre, laisse-le taper. C'est pour le bien de tout le monde, de tout l'immeuble, sinon il y aura des fuites. Un exemple, hein, je donne. Hein. Saadi San, Dar ul Mafasid Mukaddam ala Jilb el Masalih. Que repousser un mal prévaut sur le fait d'apporter un bien. C'est une règle qui est très importante. Ces gens avec l'eau, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Le trou dans le bateau, c'était quoi leur but? Pour boire. Donc c'est maslaha. C'était pas pour faire une piscine. C'était pour boire de l'eau. Donc c'est pour un bien. Cependant, ce bien, il allait causer quoi? Une mafsada. Donc vaut mieux qu'ils aient soif plutôt qu'ils fassent un trou et qu'on coule tous. Parce que derrière, vaut mieux éviter un mal plutôt qu'apporter un bien. Bien sûr, le but, c'est pas de laisser les gens s'assoiffer. Mais si leur soif peut préserver que tout le monde coule, alors ils auront moins à boire que les autres, mais au moins, tout le monde sera vivant. Et ça, c'est un truc qui est très important. Toujours, que éviter un mal est plus important qu'apporter un bien. Et c'est une règle qu'on répète souvent dans les gens qui utilisent des procédés non jiféré dans la darwa. Quand ils disent on va faire du bien pour attirer les gens dans la darwa. Il dit oui, tu veux faire un bien, mais ton procédé n'est pas bon, il va faire un grand mal derrière. Qui va s'ancrer dans la tête des gens sur des années, qui vont croire que c'est une sunna, ils vont le faire. Et à cause de toi, les gens vont dire que c'est normal de faire ça. Car tu leur as appris à faire ça depuis le début. Pour qu'ils soient plus nombreux en religion. Et c'est un truc qui se fait aujourd'hui beaucoup dans la darwa. Des gens qui font des procédés, ça attire les gens certes, mais après des gens ils pensent que ce procédé-là est légiféré et ils acheminent dessus. Alors qu'à la base, non. Vaut mieux peu de gens sur une darwa authentique que beaucoup de gens sur une darwa erronée. Hadha. Sabi'an anna niyya al-hasana la tuhassin al-fi'l al-khata. Et que la bonne intention, ce n'est pas pour autant qu'elle va rendre l'acte valable. Comme on l'a expliqué. Thaminan anna hurriyat al-insan muqayyida bi zaman hukuk man hawlahu min al-nas wa zaman masalihihim. Ça c'est très très important. Il dit que la liberté individuelle d'une personne, d'accord, elle est conditionnée par le fait que cette liberté n'amène pas à porter atteinte à autrui. Parce que les gens vont dire, je suis libre. Ta liberté ne doit pas t'emmener à empiéter sur le terrain de quelqu'un d'autre. C'est comme ce qu'ils appellent liberté d'expression. Dans l'islam, il n'y a pas ça. Dans le Coran, elle a dit, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dites des paroles justes. Tu ne dis pas n'importe quoi. D'accord. Et ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Ce n'est pas tout, parce que là, je dis que la vérité, ta vérité, tu n'as pas le droit de la dire. Dans moi, un cas où une vérité n'est pas bonne à dire. Un contexte que tu y viendras à la tête. Une vérité, mais tu n'as pas le droit de la dire. Par exemple, c'est un cas à faire où t'attends qu'il faut que tu pries. Non. Il faut qu'on commence par le tawhid, après on parle de... Ça, c'est stratégie. Mais non, sinon... Par rapport au mal qui va venir après. Ah. Par rapport à un mal qui vient après. Une personne, non, une chose qui est vraie, mais que tu n'as pas le droit de dire. Pas le droit ou déconseiller de pas le droit. Et c'est vrai. T'as un exemple? C'est lui qui a un exemple qui lève la main et dit. Une personne qui est entre guillemets grosse ou un truc comme ça, tu peux pas lui dire. Voilà, tu peux pas lui dire pour ne pas le vexer. Non. Non, un truc interdit. C'est pas haram. Un truc interdit. D'accord. C'est pas haram. D'accord. Ça n'est pas comment tu lui dis, c'est pour son bien parce que sa santé est en danger. Ouais. Faut lui dire. Après, tu lui dis avec tact, bien sûr. Non, je pensais pas à ça. Quelqu'un qui fait apparaître l'islam, tu lui dis que c'est un nafir ou un kafir. Alors que Zahiran, il fait apparaître que l'islam. Lui dire n'est pas forcément interdit. Ce serait peut-être agir en conséquence qui serait. Mais je pense à autre chose. Chose plus courante. On tombe dedans tout le temps. Malheureusement qu'Allah nous en pardonne. Riba. An taskur akhak bima yakrah. Que tu dises à ton frère ce qu'il n'aime pas alors que c'est vrai. Bah, un exemple. Hein, ton frère il est obèse. Et tu dis au frère, hey, le frère là, mashallah, il est bien. Tu sais, je veux comprendre qu'il est. Ahri. riba, si le frère n'aime pas ça. Pourtant, c'est vrai, il est obèse. Mais si tu sais que ça va le vexer, tu le dis pas. Et pourtant, c'est vrai. Ça. Donc, ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Car elle va amener un mal. Hein? Un tazkur akhak bima yakra. Que tu cites ton frère parce qu'il n'aime pas de lui. Ah, c'est la traduction. Ouais. Et bien sûr, il n'y a pas de hajja. Des fois, il y a un hajja de le dire. Mais quand il n'y a pas de hajja de le dire. Elle avait dit, Aïcha de Sophia, elle est petite. C'est vrai, elle était petite. C'est pas le même mot que le truc de la banque, le... Rib. Ah, non, rib. Un autre cas, par exemple. Un kazf. De traiter une personne de fornicateur sans avoir les témoins. Alors que c'est vrai. Un jour, peut-être, tu as vu quelqu'un en plein débat sexuel avec quelqu'un. Tu l'as vu de tes yeux. Mais t'es tout seul. Tu n'as pas le droit de le dire. Si tu n'as pas des témoins, tu n'as pas le droit de le dire. Pourtant, c'est vrai. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Et encore, des fois, tu as même des vérités, et elles vont porter un plus grand mal qu'un bien. Tu n'as pas à le dire à ce moment-là. Donc, ça, c'est des règles qui demandent de la hikmah, de la basira. Et, kazalik, liberté d'expression, en islam, il n'y a pas. On n'est pas libre de dire ce qu'on veut. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. D'accord. Par exemple, la liberté d'expression, c'est un nous blasphème. Se moquer de la religion. Même celle des gens du livre, la religion ne se moque pas de la religion. Parce que ça amène à ce que quoi ? Et ils vont faire quoi, eux, derrière ? Et ouais, ils vont répondre en insultant Allah Azza wa Jalla, comme dans le Coran, il l'a dit. Fiyasubullah bi'il ilm. Même qu'ils vont insulter Allah sans savoir ce que toi tu veux insulter leur divinité, ils vont insulter la tienne également, en contrepartie. Donc, liberté d'expression, ça amène à tous les mots. À la moquerie des gens, à sortir sur le khuruj, à fond sur les gouverneurs, à critiquer tout et rien, gratuitement, ainsi de suite. Donc en islam, il n'y a pas de liberté d'expression et ni de liberté individuelle si celle-ci déjà enfreint la religion, d'une part. Parce que des fois, tu peux être tout seul chez toi, faire des choses qui n'usent à personne, mais c'est interdit que tu le fasses. Par exemple, boire un verre d'alcool. Tu es chez toi tout seul, tu n'as personne, mais tu n'as pas le droit de boire de l'alcool. Tu n'es pas libre. Ce genre de choses. Mais tu as d'autres choses qui pourraient peut-être être permises, mais nuire à autrui. Donc tu n'es pas libre de le faire à ce moment-là. Et ça, c'est encore un beb à Oussa. Donc le muhim, d'accord, que là, l'exemple, c'est qu'eux étaient libres de boire. Mais cette liberté de boire, ils allaient l'exprimer par une nuisance à autrui, même une nuisance générale. Pour boire, ils devaient faire un trou dans le bateau qui allait nuire à tout l'embarquement. Donc, ceux d'en haut les ont empêchés d'agir. Donc, souvent, cette réponse de « ça ne te regarde pas », tu dis « ça me regarde ». À partir du moment où je suis su, je t'ai vu, je t'ai entendu faire, ensuite et moi, maintenant ça me regarde. Donc, il t'est permis à ce moment-là de faire une kala bunkar, mais tu le fais de la meilleure façon. طيب فهذا الذي أخذنا اليوم نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.